taught you to fly. I miss how you lie with me. Miss how you lie. Just wish you could dine with me. Wish you could dine with me. The one that'll grind with me. The one that'll grind with me. I want you to fly with me. Want you to fly. I miss how you lie with me. Miss how you lie. Just wish you could dine with me. Wish you could dine. The one that'll grind with me. One that'll grind. Weak, I'll make you strong again. When all is lost, I will comfort you. So give me your love. Matinée, ça tombe bien, c'est que du fun, vous accompagne jusqu'à 10h sur Fun Radio. Bienvenue, c'est que du fun entre 7h et 10h, on est ensemble pendant 3h et pour m'accompagner, il y a l'homme à la casquette Kaufman. Ça va Kaufman? Bah écoute, ça va déjà mieux que la semaine dernière, le lever a été plus facile, le réveil a sonné, je me suis levé, je me suis dit, c'est que du fun, on y va, on est parti, 7h, 10h, on est dans la place les amis. T'as passé une bonne semaine, ça va? Écoute, ensoleillé, donc a priori ça va, on continue à faire le plein de vitamine C. Et ce matin aussi, il va faire beau, j'ai entendu tout le week-end, donc ouais. c'est plutôt bien. Au programme de l'émission Le Saral Salove, t'as levé, t'as ah râlé? Oui, ah oui, j'ai eu un coup de cœur sur un homme qui a fait une espèce de déclaration à sa femme, mais vous allez comprendre pourquoi je rigole dans quelques instants. Il y aura aussi Destination Web,

l'instant, c'est Galantis qui débarque sur Fun Radio. Et là, c'est le moment de râler et de lover. On commence par Kaufman qui a lové. Ah oui, j'ai complètement craqué sur cet Américain du Kansas qui a braqué une banque afin d'être envoyé en prison volontairement. Et pourquoi, à ton avis? Il a braqué une banque, mais il l'a fait exprès. Alors, en fait, il a braqué la banque, il est rentré armé, il a demandé à se faire remettre tout l'argent qu'il y avait dans les caisses. Et puis, il s'est assis tranquillement en attendant la police. Il a dit « Emprisonnez-moi, j'ai braqué une banque, j'ai violé la loi, mais pourquoi ?» C'est pour rejoindre quelqu'un en prison? Non, c'est plutôt pour échapper à quelqu'un, et en l'occurrence, sa femme. Il en pouvait plus de sa femme. Il s'est dit « Le plus simple moyen d'être séparé d'elle, parce que j'arrive pas à m'en débarrasser, eh bien, c'est de me faire enfermer en prison. » Monsieur Ripple a été exaucé puisque maintenant il croupit en prison pour attaque à main armée. Mais nul doute que le juge lui trouvera peut-être des circonstances atténuantes. Il aurait dû partir dans un autre pays, ça aurait été plus simple, non? Bah écoute, apparemment sa femme est très collante. Merde, elle l'aurait suivi. Elle l'aurait peut-être suivi maintenant. Il est peut-être aussi tranquille, plus tranquille en prison. Et moi j'ai décidé de râler. C'est l'histoire d'une mannequin de 27 ans qui a un rêve dans la vie. C'est être grosse. Et oui, en ce moment, elle pèse 317 kilos et elle veut encore prendre 150 kilos. Faut savoir qu'elle se nourrit carrément à l'entonnoir, Kaufman. Ça me fait râler parce que c'est un mauvais exemple quand même pour la santé et pour la jeunesse. La femme est très fière, elle dit oui, je suis grosse, je vais être encore plus grosse et je me nourris à l'entonnoir. Toi, ça te fait ni chaud ni froid, ça te fait râler? Moi, je vais pas lui jeter la pierre, je vais lui téléphoner pour lui donner quelques conseils pour grossir. T'inquiète pas, je suis devenu un expert en la matière depuis que je fais la radio. Ça, c'est sûr. Allez, pour la suite du son Dancefloor, ça se passe avec Galantis sur Fun Radio. No money, I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. You can call me what you wanna, I ain't giving you a dollar. This time I ain't gonna run away. You might knock me down, you might knock me down, but I will get back up again. You can call it how you wanna, I ain't giving you a dollar. This time I ain't gonna run away. Le son Dance Floor. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis, de quoi devenir fou, oui, une vie de route. en soute et dans ma poche pas un sou, juste la famille entre nous. Sur ma route y'a eu un tas de bouchons, la vérité j'ai souvent trébuché. Est-ce que tu sais que quand tu touches le fond, il y a peu de gens chez qui tu peux te réfugier. Tu peux compter que sur tes chers parents, parce que les amis eux disparaissent un par un. Oui il m'arrive d'avoir le front au sol, parce que Dieu est grand et on est seul, on meurt sur seul. Ma route, oui. L'impression que mon cœur en souffre, mais je suis sous anesthésie. Sur mon chemin, j'ai croisé pas mal d'anciens. Ils me parlaient du lendemain et que tout allait si vite. Ne me parle pas de nostalgie, parce que je t'avoue que mon cœur est trop fragile. Je suis comme un pirate naufragé. Oui, mon équipage est plus qu'endommagé. Je sèche mes larmes, je pèse les armes. Je veux même plus savoir pourquoi ils me testent les autres. S'il y a plus rien à prendre, je sais qu'il me reste une chose. Et ma route, elle est trop longue, pas le temps de faire une sauce. Sur ma route, oui. On continue le son dance floor avec Maître Gims. Et on part faire un tour du côté du web avec Destination Web, Kaufman. Bah oui, vous le savez, hein, maintenant dans C'est que du fun, on se donne des destinations et parmi celles-ci, le web. Et je vais commencer par vous parler de la conférence Apple qui a eu lieu cette semaine. Et surprise, le président de Nintendo a fait une apparition pour annoncer l'arrivée très prochaine d'un nouveau jeu qui s'appelle Super Mario Run. Ouais. Ce jeu débarquera en fait en exclusivité sur tous les supports iOS, autrement dit sur la tablette iPad, sur le nouvel iPhone. Okay. Et forcément, ça a surpris beaucoup de monde puisque on attendait Nintendo un peu partout, mais pas chez Apple et certainement pas pendant la conférence. Alors évidemment, la toile s'est enflammée, s'est exclamée. Mais enfin, moi j'ai un Android, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, Nintendo a quand même rassuré tout son monde en disant que c'était une exclusivité temporaire et que Super Mario Run arriverait sur Android dans la foulée, sans pour autant préciser le temps qu'il s'écoulerait entre les deux sorties. Toujours est-il que, entre temps, l'action Nintendo a grimpé encore en flèche. Que ça en ce moment. Ah bah oui, ils ont fait un joli coup de com et que la toile a vraiment salué ce nouveau jeu. Ça faisait longtemps, mais personne l'attendait forcément sur une version mobile. Et Super Mario Run, ça consiste en quoi ? Bah tu prends le plombier moustachu et tu prends ses aventures et c'est un classique du genre. Seulement, c'est revu et corrigé pour bien fonctionner sur ton iPhone ou sur ton iPad. Est-ce que ça fonctionne sur les autres iPhones ou faut le dernier ? Non, ça fonctionnera sur tous les iPhones. Ok, très bien. Pour la suite de l'émission, il y aura le sportif, les paris sportifs. Kaufman, tu vas parier une nouvelle fois ? Bah oui, écoute, j'espère ne pas être fauché à la fin de la saison, mais je vais retenter. Ouais. Tu vas être mort. Il y aura aussi le fun game, Kaufman. Oui, on parlera de PlayStation qui a fait de grosses annonces à New York et on vous détaillera tout ça dans quelques minutes. Et le son dance floor avec Maître Gim sur Fun Radio. Il fait chaud, qu'il fasse froid, si le décor protège le bois, sous l'orage ou sous le vent, si le décor dure très longtemps. Les lasures et les vernis si la décor protège le bois à l'intérieur comme à l'extérieur, en vous garantissant un superbe résultat pour longtemps. Si la décor. L'odeur d'une nouvelle Opel. Cette petite tension dans la nuque au moment d'allumer le moteur. La chair de poule quand on découvre le tableau de bord. Ce léger frisson quand on passe la sixième pour la première fois. Pour profiter à fond de ces sensations, vous recevez en septembre, à l'achat d'une nouvelle Opel, 4 fabuleux avantages gratuits. 3 ans de garantie, 3 ans d'entretien, 3 ans d'assistance et 3 ans d'OnStar. Pour jouir encore plus longtemps du plaisir de conduire sans souci. Découvrez la force des 4 sur opel.be. Votre série ce soir à 19h05 sur Plug RTL, Drop Dead Diva. Je suis sûre qu'il se réveillera bientôt. Quand cette voiture l'a renversé, il s'est tourné vers moi et il m'a appelé Deb. À son réveil, je me demande si c'est Jen qui le verra ou Deb. Après un accident, Deb, top modèle, se retrouve dans le corps de Jen, avocate. En d'autres termes, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas une chose qu'elle n'existe pas. Drop Dead Diva, ce soir à 19h05. Plug RTL. Fun Radio. Fun Radio. I'm here at the end, yeah. If I could go back to the start, I'd do it again, yeah. I'd live like never before. Now will you remember? Remember me when I'm gone. Remember the heat, yeah. That's keeping you warm, saying bye. Pour vous laisser aller. 7h-10h, c'est que du fun sur Fun Radio. Je ne t'ai pas donné tout mon amour, je ne t'ai pas fait mon plus beau discours, j'ai encore envie de te faire la cour. Tu me verras sous un autre jour. Je suis devenu mon propre fantôme. Face à moi-même, je pleure comme un mort. Je me sens délaissé. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Ma beauté ne me laisse pas. Ma beauté ne me laisse pas. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Oui, ton retour est une délire. C'est une évidence, je sais ce n'est pas gagné d'avance, mais rien ne m'effraie plus que ton absence. À présent tu peux compter sur moi, tu ne m'en voudras pas une seconde fois. Je t'offrirai la lune à l'ombre de ma plume. Ma beauté repose-toi, j'ai les épaules pour ça, j'ai les épaules pour ça. Ma beauté repose-toi, j'ai les épaules pour ça. Dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai

Et c'est l'heure de parier avec le sport. Kaufmann, tu es prêt pour parier? Écoute, quel sport, quelle discipline va-t-on analyser aujourd'hui? Eh bien, c'est le football. Aujourd'hui, football belge, tu t'y connais un petit peu, ça va? Oui, ça va. Ok, très bien. Le match, la Gantoise-Lokeren. Victoire de la Gantoise, 1,40. Alors, je rappelle, 1,40, ça signifie quoi? Si vous misez 1 euro, vous gagnez 1,40 €. Ok, ça va, ouais. Kaufmann? Est-ce que tu fais parieur sportif en dehors de la radio, toi? Parce que... je m'amuse à ça la semaine, en fait. D'accord. Ça, la semaine, toute la semaine. Donc, la victoire de la Gantoise, 1,40, le match nul 4,25 et la victoire de Lokeren 7,25. Bah oui, la Gantoise. La Gantoise pour toi? Ah oui, ils sont très forts. Ok, deuxième match, Anderlecht contre Charleroi. C'est un gros match, attention. C'est un derby même. Ouais, c'est un gros match. Victoire d'Anderlecht 1,6, match nul 3,7, victoire de Charleroi 5. Ah oui, il place Charleroi si bas dans la hiérarchie. C'est-à-dire que tu mets 10 euros sur Charleroi, tu peux gagner 50 euros. Écoute, je vais prendre des risques sur ce coup-là, je vais dire Charleroi. Charleroi? Ouais. Ok, troisième match, le Standard de Liège qui reçoit Genk. Victoire de Liège 2,1, match nul 3,25, victoire de Genk 3,3. Ah d'accord, bah écoute, je vais jouer sur le choc psychologique puisque les Standardmen viennent de changer d'entraîneur. Ouais, c'est vrai. Et donc peut-être que l'effet tant attendu se présentera. Je parie pour le Standard. Donc Liège, donc les trois victoires pour toi, c'est la Gantoise, Charleroi et Liège. Bah écoute, j'ai sorti les billets et oui, je te donne mon argent comme d'habitude. J'ai pas revu la couleur de mon pognon la semaine dernière, fais gaffe à toi. Dans quelques minutes, on parle de télé. Et là, c'est Zao et MHD sur Fun Radio. Une place près d'un mur, attention à ma voiture. Check à gauche, check à droite, ferme la porte et puis s'en va. Avec les caméras 360 degrés, se garer est un jeu d'enfant. Profitez de nos techno-deals du 8 au 17 septembre. Il y a déjà un Nissan Qashqai à partir de 19 990 euros. Nissan. Innovation that excites. Offre soumise à condition. Événement RTL Sport. La série A débarque sur Club RTL. Tous les dimanches, retrouvez le championnat italien en direct. 36 matchs exceptionnels, des clubs prestigieux et l'occasion de suivre des Diables Rouges au top niveau. Ce dimanche, dans Club Calcio, le Milan AC reçoit l'Udinese de Sven Kums. Un événement à vivre en direct dès 14h55 sur Club RTL. Ils sont là, debout, en pleine forme. Ou presque. C'est que du fun, 7h-10h sur Fun Radio. Laissez le trou, moi. Il ou elle a dit les nouvelles ne sont pas bonnes. Je ne le dirai qu'à toi, ne le dis à personne. Il ou elle a fait, je crois qu'il y a eu mal donne. Ça m'étonnerait vraiment que quelqu'un lui pardonne. J'entends des bruits de couloir au loin qui résonnent. Que ce soit vrai ou faux, tout le monde en fait des tonnes. Si l'ami de tout le monde est l'ami de personne. Laissez-moi dans mon coin, ici l'ambiance est bonne. Non, tu n'as pas idée, c'est chaud. Pourquoi verbaliser, c'est chaud. L'ambiance est validée, c'est chaud. Le terrain balisé, c'est chaud. Laisse-les parler. De ma vie, tu sais nada. T'es de ces personnes qui m'y tonnent grave. C'est vrai que t'es gentil, mais t'es pas fiable. Encore plus faux que le mec qui n'a pas de défaut. Un tel et un tel sont ensemble, mais c'est vrai. C'est le mytho du coin qui raconte ça. Il a gagné au loto et zappé la mythe. Quand le bonheur s'approche, les jaloux pas. Tu l'as quitté d'après ce que tu racontes. Elle t'a quitté d'après ce qu'elle raconte. Chacun sa raison, tout le monde parle, mais chacun sa version. Laisse-les croire, laisse-les acter. T'es dans l'hypocrisie, on gravit les paliers. Éloigne-moi des soucis, je suis fatigué. J'ai pas leur temps, je m'en saillais. Non, tu n'as pas idée, c'est chaud. Pourquoi verbaliser, c'est chaud. L'ambiance est validée, c'est chaud. Le terrain balisé, c'est chaud. Laisse-les parler.

Il y a un nouveau juré. Est-ce que t'es au courant ou pas? Ouais, ouais. Ah, t'es déjà au courant? Bah, c'est M. Ouais, c'est M Pokora, effectivement, dans The Voice en France, à voir sur TF1. Actuellement coach dans la version Kids, il se pourrait que le chanteur continue l'expérience durant la saison 6 de l'émission musicale. Il a été approché pour remplacer Jennifer. Eh non, Garou. Ah oui, oui, non, pardon. En fait, c'était Jennifer qui avait été approchée dans un premier temps pour remplacer Garou. Elle a dit qu'elle avait trop à faire. C'est ça. M Pokora, il a eu du succès avec Voice Kids, donc on lui a proposé l'affaire. Une bonne ou mauvaise idée pour toi? Écoute, je sais pas trop, parce que trop de M Pokora tue M Pokora, si tu vois ce que je veux dire. Donc on va le voir à toutes les sauces finalement. Ouais, effectivement. En plus, il vient de sortir un nouvel album en hommage à Claude François. Je sais pas si t'as. Oui, oui, j'ai vu ça. Je sais pas si t'as vu, mais bon, c'est pas terrible. Il a ces espèces de Claudettes. Les Mad Pokoradettes, ils appellent. Elles ont bien vieilli, hein. Entre Claude François et lui, on voit pas la différence. Dites-nous si ça vous intéresse. Est-ce que vous allez regarder M Pokora dans The Voice au 30-44? Dites-nous votre avis. Pour la suite, ça se passe avec le Fun Game Kaufman. Oui, on reviendra sur la conférence Sony qui a eu lieu à New York et qui a révélé quand même pas mal de choses sur les futurs PlayStation à venir. On continue le son Dance Floor avec Justin Timberlake sur Fun Radio. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. My eyes are buffet, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. And under the lights, when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop. Everybody say, Salut, c'est DJ Snake sur Fun Radio. Fun Radio, le son dance floor. Réveil en douceur avec le son de Mo. Et vous pouvez nous retrouver sur Facebook Kaufman. On a une page, elle est toute belle, elle est toute neuve. Oui, elle est toute neuve, elle est toute propre. Et vous êtes déjà plus de 20 000 à la liker. C'est que du fun. Vous écrivez ça comme vous l'entendez. Et vous allez sur Facebook, vous tapez ça dans le champ de recherche. Et puis vous mettez j'aimais, vous nous laissez aussi tous vos commentaires en direct. On les lit, on lit vos messages. Même le matin, même le samedi, même le dimanche. On répond présent, 7h, 10h. C'est que du fun, et ça se passe aussi sur Facebook. Il y aura des cadeaux à gagner sur la page Facebook. Bien sûr, on va organiser des concours. Donc si vous aimez bien ça, les cadeaux, d'ailleurs qui n'aime pas les cadeaux, j'ai envie de savoir qui n'aime pas les cadeaux, effectivement. Eh bien on vous en offrira dès la semaine prochaine avec des concours qui seront organisés juste pour vous régaler, parce que oui, c'est que du fun vous régale. Donc allez-y, allez liker la page C'est que du fun, vous tapez ça dans la barre de recherche Facebook, vous êtes directement tombé dessus. Normalement Kaufman, c'est bien ça, hein, si vous connaissez un petit peu en Facebook. Si les choses sont bien faites, normalement vous devriez trouver ces apostrophes EST et puis espace que, espace du, espace fun. Je ne suis pas payé à la lettre

À l'écoute de Fun Radio maintenant, c'est l'heure du Fun Game. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le Fun Games avec Kaufman de Smart Toys. Toutes les informations jeux vidéo et on va commencer par Sony qui tenait une grande conférence en grande pompe à New York il y a quelques jours et deux informations à retenir. La sortie bientôt de la PlayStation 4 Slim. En fait, on n'a pas grand chose à dire sur cette console parce qu'on connaissait déjà pas mal de caractéristiques. Ouais. Elle sera plus fine, plus légère, elle supportera le HDR et elle est déjà prévue, tiens-toi bien, pour le 15 septembre. Ils l'ont annoncé là cette semaine. Le 15 septembre de cette année ? Voilà, oui. Ah oui, c'est très mercredi, bien quand même. Mercredi, ah oui. Ouais. Ah oui, mercredi, ouais. Et elle sera dans tous les magasins et elle coûtera 299 €, ce qui a pour conséquence directe que tous les anciens modèles baisseront de prix un tout petit peu, 50 € moins cher. Et donc, il y en aura un petit peu pour tous les goûts. Deuxième information plus importante cette fois-ci, c'est la sortie de la PlayStation 4 Pro. Notez bien, la console est conçue avec comme priorité la 4K, la HDR, la HDTV et bien sûr le casque de réalité virtuelle PlayStation, le PlayStation VR. Elle est prévue avec un disque dur de 1 Tera. Elle est donc plus puissante. On ne sait pas encore à quel point. Certains jeux phares de la PS4 devraient disposer de patchs leur permettant d'exploiter à fond les capacités de la console. Autrement dit, lorsque la console arrivera, eh bien certains jeux fonctionnera déjà avec ce périphérique. Ouais. Le lecteur Blu-ray ne semble pas compatible pour les Blu-ray 4K, c'est important de le signaler, alors que le concurrent Microsoft lui sortira une console avec un vrai Blu-ray 4K. Elle sortira, notez-le bien, le 10 novembre et elle coûtera 399 € en Europe. 399 € pour la PlayStation 4 Pro, 299 € pour la PlayStation 4 Slim qui sortira le 15 septembre. PlayStation a marqué les esprits, maintenant reste à confirmer avec l'analyse complète de ces périphériques qui arriveront donc très bientôt. On va rester à la PS4, il n'y aura pas de PS5, là on est sur les dernières évolutions. Exactement, c'est ce que ça veut dire, on est plutôt sur un update matériel que sur de véritables nouvelles consoles. On vous le disait d'ailleurs il y a quelques mois déjà, autant Sony que Microsoft ne veulent pas sortir tout de suite de nouvelles consoles et tablent plus sur des mises à jour que de réelles innovations. Merci pour les infos Kaufman et maintenant c'est les infos des bonnes nouvelles sur Fun Radio. Bonjour à tous, flairant un large marché encore inexploité, le label Universal Music va publier fin octobre un album destiné aux chats. C'est la première fois qu'un poids lourd de l'industrie musicale produit un album non destiné à des auditeurs humains. La musique proposée est un subtil mélange entre des ronronnements du violoncelle et différents instruments d'un orchestre symphonique pour apporter plaisir et détente aux chats à l'écoute de cet album. Après une étude portant sur les effets des mélodies composées par des tamarins à crête blanche, un chercheur a voulu élargir ses expériences à une espèce animale plus courante. Il a d'abord autoproduit sa musique pour chat au moyen d'une campagne de financement participatif récoltant près de 215 000 euros de la part de plus de 10 000 contributeurs. Son projet a alors attiré l'attention d'Universal qui lui a fait signer un contrat. D'autres albums du genre pourraient suivre pour les chiens et les chevaux. Pour les plus curieux, on vous invite à écouter un extrait sur musicforcats.com. L'université de Waterloo, l'une des mieux cotées au Canada, accueille pour cette rentrée un jeune indonésien âgé de seulement 12 ans dont les résultats aux examens d'admission le placent déjà parmi les meilleurs élèves de sa promotion. Né en Indonésie, ce nouvel étudiant le plus jeune de l'histoire de cette université a la particularité d'avoir appris l'anglais en regardant des films à la télévision. Et ses résultats aux examens d'admission ont été tout simplement extraordinaires. Le jeune indonésien a expliqué vouloir appliquer les connaissances qu'il va acquérir au domaine des énergies renouvelables. Bonne nouvelle pour les amateurs d'hamburgers, QSR Belgium, le groupe d'investissement qui a racheté Quick Belgique annonce ne pas vouloir faire disparaître l'ancienne chérie des Belges, mais plutôt la faire cohabiter avec Burger King. QSR est en train d'élaborer un plan marketing pour relancer la marque. Si certains Quick seront transformés en Burger King, d'autres subsisteront donc bel et bien. Ceux qui craignaient de ne plus pouvoir goûter au délicieux Giant sont donc rassurés. Ils pourront encore le dévorer, mais bien évidemment toujours avec modération. Une jeune enseignante du collège de Caroline du Nord a trouvé le remède pour combattre l'inattention de ses élèves. Si certains élèves étaient parfois dissipés et distraits, ils sont cette fois plus attentifs puisqu'ils étudient tout simplement en pédalant. L'enseignante a installé des petites machines à pédaler. Ces mini-vélos installés sous les bancs ont un effet incroyable. Le but est de permettre aux élèves de canaliser leur énergie sur une activité sportive pendant leur travail. Et visiblement, ça marche. Leur concentration s'améliore et les résultats sont en hausse. Cette initiative a un prix. Chacun de ce qu'on pourrait appeler ce vélo de bureau coûte environ 130 €, cofinancé par un don particulier et un fonds d'investissement dans ce collège public. On termine ce journal des bonnes nouvelles avec un petit mot sur la météo du week-end. Le soleil devrait être encore de la partie. Quelques averses sont malheureusement à craindre pour ce dimanche en matinée. Côté température, elles vont rester très agréables et le bon temps devrait encore nous accompagner pour bien débuter la semaine. Belle journée avec nous sur Fun Radio. Tout de suite, c'est que du fun jusqu'à 10h. Le journal des bonnes nouvelles. Matinée à l'écoute de Fun Radio, le son Dance Floor continue, The Chainsmokers. C'est le moment de râler et de lover. Moi j'ai lové sur un couple, Gary Fisher et Kelly McNichol. Connais pas? Non, t'inquiète pas, c'est normal, c'est des anonymes qui se sont amusés comme des petits fous en plein vol. Le 2 septembre dernier, Gary Fisher et Kelly McNichol, un couple originaire de York en Angleterre, a pris un billet entre la Thaïlande et la Malaisie. Alors, grand étonnement, ils sont arrivés dans l'avion et il y avait personne, mais personne dans l'avion. Ils étaient que deux sur ce vol. Alors, à ton avis, ils ont fait quoi dans l'avion? Ils ont fait quoi? Ouais. Ils ont joué. Ils ont joué, effectivement. Ils ont profité pour s'amuser de cette situation en tournant une série de vidéos qui ont connu leur succès quand même sur Internet et au programme jeu de cache-cache dans l'avion. Ah, pas mal. Ils se sont cachés dans l'avion comme ça. Ça t'est déjà arrivé, toi, de prendre l'avion et qu'il y avait personne? Peu de monde, ouais. Ouais, peu de monde. Ouais. Et tu faisais quoi alors? T'es amusé ou pas? J'étais en soute, c'était plutôt bien. Effectivement. Il n'y avait pas grand monde en soute, hein, en plus. Coffin peut t'a râlé, hein. Ah oui, on aime bien les caméras cachées, on aime même beaucoup. Sauf que là, c'est une caméra cachée assez terrifiante qui pétrifie les personnes qui en sont victimes. Vous imaginez un instant, le taxi dans lequel vous êtes tombe en panne dans une forêt lugubre. Et là, je dis bien, des ouais. extraterrestres oh non. débarquent et s'attaquent à ce taxi, à votre oh. véhicule. Non, nous ne sommes pas dans un film fantastique, mais bien dans une série de caméras cachées mises en place par la chaîne de télévision brésilienne STB. Oh, STB. STB en français. Ouais. Et qui a fait fort en mettant sur pied une caméra cachée terroriste hyper terrorisante. C'est les spécialistes du genre, vous l'avez peut-être vu déjà sur YouTube avec les Chucky remake de films d'horreur. Ok, ouais. Alors moi, a priori, j'aime bien. Mais là, ça faisait peur. Sauf que je me suis dit, si moi j'y vais, crise cardiaque. Crise cardiaque, appelez les soins intensifs. Je vais crever, moi. Ah, il est plus là, le Kaufman, tu vas mettre des extraterrestres. Fais gaffe derrière toi. Ouais. Ça peut arriver, Kaufman. Ouais, j'ai un extraterrestre devant moi, t'inquiète, je gère. On a des cadeaux à vous faire gagner, Kaufman. On a fait plein de cadeaux. Goodies, jeux vidéo, au programme, on a plein de choses et même peut-être des jeux vidéo, ça va dépendre de vous et de nous un petit peu. On a peut-être Attack on the Titan à vous offrir. Voici de Chainsmokers sur Fun Radio. quand je râle, c'est quoi cette malédiction? T'adores parler sans raison et tu me regardes, fasciné par le drame. Tu parles, tu causes, mais jamais de rien. Mais t'es qu'un flyboy, so fly. C'est le week-end, on en profite sur Fun Radio avec le son de Calvin Harris et Rihanna. C'est le moment de jouer au combien ça coûte. Le principe est simple, j'ai un prix en tête et au 63,22 euros par message, vous devinez à quoi il correspond pour gagner plein, plein de goodies, jeux vidéo, Kaufman. Oui, on a des goodies, jeux vidéo, on a un beau petit pack à vous offrir qui arrivera très très vite chez vous, contenant notamment des goodies Overwatch, okay, des t-shirts Call of Duty. Si vous aimez les jeux vidéo, c'est un très joli cadeau qu'on a à vous offrir. Et pour ce faire, vous allez devoir deviner le prix qui se cache, l'objet qui se cache derrière le prix, ouais, que David vient de vous donner, à savoir 20 euros. Oui, le prix du jour, c'est 20 euros. Effectivement, Kaufman, tu as posé des questions pour aider les auditeurs. Si vous avez la bonne réponse, ça se passe au 63,22. Kaufman. Oui, est-ce que c'est un objet du quotidien? Oui. Est-ce que c'est un objet plutôt professionnel ou privé? Privé. Privé. Bah, donc on l'utilise, ouais, pas au niveau professionnel. Bah si, on peut l'utiliser au niveau professionnel, mais bon. Ah oui, petit coquin. Il essaie déjà de me mettre sur une mauvaise piste. Ça vaut au moins de 20 euros. Est-ce que c'est du matériel de bureau? Du matériel de bureau, bah non, c'est pas un stylo, hein, si tu veux savoir, par exemple. Bah un stylo à 20 euros, ça fait quand même cher. Ah bah c'est cher, un beau stylo, hein, oui, attends. Ouais, d'accord, il a des goûts de luxe, hein, depuis qu'il travaille à Fun Radio, celui-là. Ok, est-ce que tout le monde en a chez soi? Oui. Est-ce que ça se situe dans une pièce particulière de la maison? Oui. Est-ce que les petits comme les grands s'en servent? Mouais. Mouais. Ça ouais, m'aide beaucoup quand tu fais. Bah, c'est plus les grands que les petits quand même. Hein. Plus les grands que les petits. Bah oui. Est-ce que c'est un objet divertissement? Non. Est-ce que c'est électronique? Non. Est-ce que ça existe depuis des siècles? Bah oui, je pense. D'accord. Oui, oui, ça existe depuis des siècles. Est-ce que. C'est un objet ménager, tiens? Bah oui. Ah donc, c'est un objet ménager? Oui. Qui coûte moins de 20 euros. Qui coûte 20 euros. Qui sert aussi bien dans le privé que dans le professionnel. C'est ça. Donc est-ce qu'on en a au bureau? Oui, on en a aussi dans le bureau, oui. D'accord, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Si vous avez la bonne réponse, ça se passe au 63,22. On a plein de cadeaux à vous offrir. Kaufman a fait le plein, hein, vraiment. Il était dans les smart toys, il s'est régalé. Il a pris des jeux vidéo, des goodies collector que vous trouvez vraiment qu'ici. On peut pas, ouais, les trouver en magasin, c'est impossible, ça se vend pas. Donc c'est des goodies collector qu'il a directement des fournisseurs, si je me trompe pas, Kaufman. Exactement, ce sont des objets qu'on peut pas acheter, qui sont exclusivement, ouais, à gagner. Là, au 63,22, aidez-moi, hein, parce que je patine, ouais, je patine, patine, je patine. Donc, est-ce qu'on peut s'en servir aussi bien le matin, l'après-midi que le soir? Ouais, quand tu veux, t'en sers quand tu veux. On me dit un aspirateur au 63,22. Non, ce n'est pas la bonne réponse. On me dit une serpillière. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Allez-y, hein. 63,22 pour donner la bonne réponse et gagner plein de cadeaux. Kaufman, une question? Est-ce qu'on. Ça sert avec des produits ménagers? Ça sert avec des produits ménagers, bah, ça sert pour le ménage, ça peut servir pour le ménage, Kaufman. D'accord. Ah et c'est pas. Ça et tu l'utilises tout le temps si tu veux. Est-ce que c'est un rapport avec les déchets? Ça a un rapport avec les déchets, effectivement. D'accord. Donc, est-ce que on peut y placer des déchets? On peut y placer des déchets. Est-ce qu'on met généralement un sac pour pas abîmer cet objet? Effectivement, je cherche l'objet, hein. Donc t'as trouvé l'objet, tu penses avoir trouvé l'objet toi? Écoute, oui, je pense avoir trouvé l'objet. Je pense que c'est une. Ah non, je peux non, pas le dire. Tu le dis pas, surtout pas, tu le dis surtout pas. On me dit au 63,22, on me dit un sac poubelle. Non, c'est pas la bonne réponse. Je peux pas accepter cette réponse parce que voilà, c'est pas la réponse que je cherche. C'est pas un sac poubelle, c'est vraiment l'objet qui entoure le sac poubelle. Donc c'est important de ne pas m'envoyer sac poubelle. Je peux pas accepter, je suis désolé, les amis. Hein. Dis-moi. C'est mon petit surnom affectueux que je lui donne. Quelle influence celui-ci. Donc si vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez au

soir, je donne coffee. Je suis un feu. Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. Je suis un feu. Comme les trois petits à 6h du mat sur mon lit. Je suis un feu. Je sens que je vais briller. Ce soir, je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me croises, rien. Si tu me parles, rien. Si tu me touches, rien. Avec Fun Radio à suivre, le duo belge Dimitri Vegas et Laïma qui seront en concert le 16 et 17 décembre entre autres à Anvers. Toutes les infos sur funradio.be. Et là on va prendre notre gagnant, combien ça coûte. Et oui, le prix du jour, 20€. Kaufman a cherché, ouais. A posé des questions, t'as trouvé toi tu penses Kaufman, c'est ah, bon écoute, hein. Moi j'ai trouvé, je pense que Mickaël aussi a trouvé, bonjour Mickaël. Bonjour. Ça va bien? Ça va et vous? Tu as quel âge, tu nous appelles d'où? Je viens de la Louvière. La Louvière, et tu as quel âge? J'ai 29 ans. 29 ans. Tu es déjà réveillé là depuis longtemps? Oh, je suis réveillé depuis 5h au matin, donc oh n'a pas de problème. Ah oui. Oh, lève-toi donc, tu fais quoi à 5h du matin toi? Oh, il faut que je me lève pour aller travailler. Ah, au travail le samedi, aïe aïe aïe. Ouais, tu fais quoi de... oui. Tu fais quoi de bon? Oh, je travaille dans une grande pépinière à Soigny. Ah, oh, tu aimes les fleurs, tu aimes les plantes, tu es un ami de la nature. Je suis un ami de la nature. Eh bien, moi aussi, je viendrai butiner les fleurs oh avec non, toi. Arrête, ça va pas, non. Bah quoi oh, c'est une pépinière à visiter, donc vous pouvez venir faire un tour si j'en fais un. Ok, on va venir alors, bon, pas de soucis. Mickaël, tu as joué avec nous en envoyant une réponse au 63-22. Quelle était cette réponse, s'il te plaît? Une poubelle. On vérifie. Belle radio. Dance. Dance. Bravo. Mickaël, tu repars avec plein de cadeaux signés Smart Toys et Kaufman. Oui, tu aimes bien les jeux vidéo? Wow, j'aime bien un peu tout, oui. Eh ben, on va t'offrir un pack de goodies jeux vidéo qui est introuvable en commerce. Tu vas te régaler, mon ami. Oh, c'est magnifique, merci beaucoup. Et de si rien. Tu peux me rendre un service, tu fais bisous à la Marguerite de ma part. On a une longue histoire. Je fais bisous à la Marguerite. Ouais, on a une longue histoire, maintenant c'est terminé. Elle a ah mince. Pris son... Bah oui, elle a pris. Elle s'est enracinée, maintenant elle bourgeonne, tu vois, sans moi. Allez, Mickaël. Bon, maintenant c'est un peu la fin de saison des Marguerites. Ah, mais effectivement, c'est la fin de saison, Kaufman. Ah, ben, je vais la rappeler alors. Très bien. À la maison Kaufman. Merci Mickaël d'avoir joué, on prend tes coordonnées en antenne, ne bouge surtout pas, d'accord? D'accord, merci, bonne journée à vous. Merci à vous, à toi aussi, bon courage pour le boulot. Au revoir, vous êtes super. De rien, bisous, bisous. Toi aussi, t'es super. Pour la suite, ça se passe avec le Topito Kaufman. Le Topito, c'est le top 5 des différences entre les hommes et les femmes. T'en vois une, toi, différence entre les hommes et les femmes? Oui, mais je ne dirais pas laquelle, là. Je me doutais bien, et là, c'est le moment de s'écouter le duo belge, DJ belge, Dimitri Vegas et Lakmang, Stay Away sur Fun Radio. On est en direct, il est 8h34. When the stars start to fall, will you love me? Will you call? I need you close. Don't run away. Don't run away. Chasing highs in the midnight sun. We fought for love. We were on the run. Tried my best to give you what you need. So one more chance, please don't leave. Made it way past broken hearts. Won't you stay a while? Stay a while. We are still on the run. Never had enough. Never catching us. Never catching us.

tranquillement sur la route à l'écoute de Fun Radio et du son de Môme. Et là, c'est l'heure du topito, le top 5 des différences entre les hommes et les femmes. En cinquième position, les femmes ont une vessie plus petite qu'Hoffman. Et oui, ça explique pourquoi elles vont souvent aux toilettes par rapport aux hommes. T'as déjà remarqué ou pas que les femmes allaient plus souvent aux toilettes que les hommes? Alors, je dois avoir un côté féminin, tu sais. Oui, c'est vrai, toi, tu vas souvent aux toilettes. Ah oui, oui, oui. Ah, t'as une vessie tout petite aussi. Ça se trouve, t'es une femme, dis donc. Écoute, on va régler sa rantaine. Quatrième position, chez les femmes, l'index est généralement plus long que l'annulaire. Tandis que chez les hommes, c'est l'inverse. Moi, j'ai jamais su lequel c'était l'annulaire. C'est lequel, l'annulaire, Hoffman? T'inquiète, tu vas te montrer aussi dans quelques secondes. Non, ça va aller alors. Troisième position, les hommes ont plus de mal à distinguer les nuances de couleurs que les femmes. Et ouais, les femmes arrivent mieux à distinguer le rose par exemple ou le bleu, tu vois, les couleurs Fun Radio. C'est pour ça qu'elles nous en font voir de toutes les couleurs. C'est ça. Deuxième position, en général, les femmes sont plus vite bourrées que les hommes. Bah ouais, normal, ils tiennent un petit peu moins l'alcool que les hommes. Ouais. Oh, moi j'en connais deux, trois qui peuvent bien rivaliser. Et je me demande maintenant si c'est pas des mecs. Et première position, le cerveau des hommes pour toi, il est plus grand, plus petit ou pareil que le cerveau des femmes? Ouais, il est pareil. Il est pareil, effectivement. Souvent on dit, ouais, les femmes ou les hommes sont plus intelligents. Mais non, non, ça c'est une connerie. Les hommes et les femmes ont le même cerveau. Voilà, enfin, au courant. Est-ce qu'on parle du tien? Parce que toi t'as la grosse tête. Donc forcément, peut-être que t'as un cerveau qui va avec. Il est plus gros de ton cerveau. Non, mais t'as pas vu les joues, j'ai des gros joues aussi. C'est tout qui est gros chez moi. C'est pour ça. Dans quelques minutes, Hoffman va faire les paris sportifs. Il est prêt, Hoffman, il est chaud. Il est au taquet. Écoute, je pense que j'ai. Encore de l'argent. Il a toujours de l'argent sur lui, cet homme. On en parle juste après Môme sur Fun Radio. On est en direct, c'est que du fun. So lover, which way have you moved? It's been a while since I've heard he's grooved. Cosmic love gave you something gold. So you wrap it all up and take it away. Suddenly it's hard. The unknown. Radio. Hey everybody, it's Jennifer Lopez on Fun Radio. I ain't gonna be cooking all day, I ain't your mama. I ain't gonna do your laundry, I ain't your mama. I ain't your mama, boy, I ain't your mama. When you gonna get your act together, I ain't your mama. No, I ain't your mama, no. To work on time. Oh yeah, yeah, yeah. No more playing video games. Oh yeah, yeah, yeah. Things are about to change. Round here, round here. We used to be crazy in love. Can we go back to how it was? When did you get too comfortable? 'Cause I'm too good for that. I'm too good for that. Just remember that. Sans café avec le son de Lost Frequencies sur Fun Radio. Et tout le samedi, tous les dimanches entre 7h et 10h, on évoque le sport. Et oui, Kaufman fait les paris sportifs, il vous aide à choisir, il donne ses pronostics sur le sport et on va arrête de dire ça, parce que si les gens perdent après, ils vont venir demander des comptes. Vous venir voir Kaufman si vous perdez après, c'est pas grave. On va évoquer le football et le championnat anglais aujourd'hui à 13h30, un gros match Manchester United contre Manchester City. Les deux Manchester s'affrontent, c'est vraiment... C'est quoi les cotes? Ah, les cotes. 2,35 pour la victoire de United. Ah, quand même. Ok, ouais. 3,10 pour un nul. Ouais. Et la victoire de City est cotée à 3,10 aussi. C'est-à-dire que si tu mises 10 euros et tu mises une victoire de City, tu gagnes 31 euros. Moi, je sais pas trop parce que les deux équipes sont très très fortes, comme tu l'as dit. Ouais, c'est vrai. Je miserais plutôt sur un match nul. Un match nul. Ouais, et elles vont se neutraliser les équipes. Ah, donc match nul, ok, entre United et City, ce qui fait quand même une cote de 3,1, ce qui fait quand même une cote multipliée par 3. Tu mets 10 euros là-dessus ? En plus, moi j'ai un cousin qui vient de Manchester City, et l'autre est Manu. Ah, Emmanuel. Et moi je veux pas me disputer avec mes cousins. T'as raison. Parce qu'après ils viennent, ils me disent: David, what you do ? Qu'est-ce que tu as fait ? T'es sûr que t'as des cousins anglais ? Yes ! What you do ? Quoi tu dis? Allez, deuxième match, ça se passe en France à 17h. Lyon contre Bordeaux, la victoire de Lyon est cotée à 1,55. Le match nul 3,9 et la victoire de Bordeaux 5,25. Écoute, j'aurais dit, l'année passée je t'aurais dit Lyon direct. Ok, ouais. Mais là, je les sens pas trop, les Lyonnais. Ils ont eu un début de saison difficile. Ouais. Donc je pense peut-être que Bordeaux peut réaliser l'exploit. La surprise Bordeaux. La surprise bordelaise. Avec 5,25. C'est-à-dire que là, tu gagnes beaucoup d'argent. Si les deux, si t'as deux bons résultats, tu gagnes beaucoup d'argent. Tu vas plus venir, toi. C'est mon métier de gagner beaucoup d'argent. Allez, dans quelques minutes, le fun game, Kaufman. Oui, on vous parlera d'un bon plan, d'un jeu vidéo gratuit. Ça n'arrive qu'ici. C'est que du fun. On aime les jeux vidéo. Ouais. On vous le montre tous les dimanches. Donc restez avec nous. Hein. On est là jusqu'à 10h. On vous donne le conseil juste après. Lost Frequencies sur Fun Radio. Et vous éclatez à Las Vegas pour un party trip de folie avec Desperados et Fun Radio. Toute la semaine, écoutez Fun Radio Connected dès 20h. Dès que vous entendez le Gravity Mix, envoyez Despé au 6322. Un euro le message et gagnez chaque jour votre pack Desperados. Devenez l'un des finalistes qui remportera des places pour le festival le plus extrême dans un vol zéro gravité à Las Vegas avec Desperados. La radio qui vous envoie faire la teuf partout dans le monde, c'est Fun Radio, le son dance floor. La teuf la plus extrême du monde. Villa avec Desperados dans un avion zéro gravité. Desperados, tequila flavored beer. Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse. Ne cherchez plus les meilleures affaires. Ce sont les Container Deals de Mediamart. Sous les projecteurs, une centrale vapeur Philips pour 149 euros seulement. Soit 110 euros de moins. Maintenant dans nos magasins et sur Mediamart.be. Mediamart, je ne suis pas fou. Cette semaine avec Flair, offrez-vous une thalasso pour deux personnes et ne payez que pour une seule. Il faut le Flair. Venez découvrir le nouveau Citroën C4 Picasso lors de nos portes ouvertes ces 10 et 11 septembre. Et profitez de nos offres exceptionnelles sur toute la gamme. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Offre spéciale rentrée du journal Le Soir. Abonnez-vous au Soir et bénéficiez d'un superbe ordinateur portable. Recevez votre journal papier le jour de votre choix. Accédez à tout moment à votre journal et au contenu numérique du Soir. Et choisissez entre deux ordinateurs parmi les meilleurs du marché. Souscrivez dès maintenant à partir de 29 euros par mois sur lesoir.be/ordi et économisez jusqu'à 330 euros. Le son Dance Floor. Fun Radio. L'impression d'une vie dans le noir. L'ennui éteint tous nos espoirs. Inconscient, une vie illusoire et incapable de voir. Mais tu sais que sans en avoir l'air, tu construis l'histoire. À chacun sa gloire. Quelques heures s'en aller, comme un avion qui passe dans ce monde qui nous laisse. Sommes-nous éveillés? Awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake, awake

Qu'allez-vous faire aujourd'hui? Donnez votre réponse au 30 44 50 centimes par message. On lit tous vos messages avec Kaufman. La suite du son Dance Floor, ça se passe avec Eva Simons. Et la direction, le Fun Game. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le Fun Games avec Kaufman de Smart Toys. Et oui, on parle jeux vidéo, c'est que du fun le samedi et le dimanche. On aime s'intéresser, eh bien, à vos consoles de jeux, à vos PC. Et on va parler d'Ubisoft qui, comme vous le savez peut-être, souffle ses 30 bougies, fête ses 30 années d'existence. Okay. Et pour l'occasion, Ubisoft a offert déjà pas mal de jeux et ce n'est pas fini. Puisque, après avoir rendu Rayman Origins gratos, ouais, Splinter Cell ou encore Prince of Persia les Sables du Temps, la société française nous gâte encore en septembre avec le jeu de course The Crew. C'est en effet par le biais de Twitter, il y a une poignée d'heures seulement, qu'Ubisoft a annoncé que son jeu de course en ligne serait disponible au téléchargement sans débourser un centime. Oh, c'est magnifique ça. À partir du 14 septembre, ouais, soit ce mardi, si je ne me trompe pas, sur PC, via son service Uplay, vous téléchargez le jeu totalement gratuitement. Vous jouez en ligne également totalement gratuitement. C'est vraiment le bon plan en jeu vidéo, notez-le bien. Vous installez Uplay, ouais, qui est le service de téléchargement, okay, d'Ubisoft. Vous allez sur le jeu The Crew. Et là, oh magie, eh bien, il est gratuit. Il est gratuit, ouais, vous déboursez pas un seul centime. Et il y en aura d'autres avant janvier. C'est l'éditeur français qui l'a promis. Une durée illimitée ou on peut jouer seulement pendant 15 jours? C'est totalement gratuit sur ton PC. Ah, c'est gratuit à vie. Comme le dit le proverbe latin, ad vitam aeternam. Très bien, merci Kaufman. Pour la suite de l'émission, on va évoquer la télé. Parce qu'il y a une nouvelle émission qui arrive sur AB3. Si tu regardes AB3. Ah oui, je regarde le catch moi. Ah, sur tu regardes AB3. Le catch. Et là, il y a une nouvelle émission qui s'appelle À l'état sauvage qui arrive. Je vous en parle juste après. Eva Simon sur Fun Radio. Le titre Escape for Love. On est en direct jusqu'à 10h. C'est que du fun. Et rejoignez la page C'est que du fun sur Facebook. Oh Lord, have mercy on me. I don't know what I'm doing. Hope I will be just fine. If I let my feelings out. For real, I had a good time. Just had enough for your mind. Can I really let you go? No, no, oh, oh. I'm holding on for life, 'cause I can't escape, hey, hey. Escape from love, and I don't wanna die, but I can't escape, hey, hey. Escape from love. Sigala pour la suite du son Dance Floor. Love, Et une nouvelle émission débarque sur AB3. Elle s'appelle À l'état sauvage. Kaufman, est-ce que tu connais ou pas cette émission? Est-ce que c'est avec ce qu'on appelle un survivaliste? Ouais, c'est ça, un explorateur. Ouais. Et effectivement, il s'appelle Mike Horn. Il emmène des célébrités à l'état sauvage. Ouais. Alors, l'état sauvage, ça consiste en quoi? C'est-à-dire qu'ils vont se promener dans le désert, ils vont dormir à la Belle Étoile. Ouais. Ils vivent une semaine comme ça. Ouais. Et il y a une première célébrité qui s'est pris au jeu. Ouais. C'est Michael Youn. Ouais. Et AB3 va diffuser donc ce programme dans les prochaines semaines. Ouais, ils ont pompé un peu parce qu'à la base c'est M6 qui avait qui a en France, initié ouais. le programme. Effectivement, ils l'ont acheté. Ouais, ça a plutôt bien marché. Bon, ça a pas fait des très très gros scores, ça a plutôt bien marché. Ouais. Et Mike Horn, c'est un peu le spécialiste de la survie. Vous le lâchez n'importe où, sur une île déserte, vous le lâchez dans vrai. Un supermarché, n'importe où. Le gars, il fait du feu, il se fait un petit barbecue, il a rien à bouffer, et bah, il fait quand même, tu vois. Ah, c'est une très très belle émission. Hein. AB3 a fait l'acquisition, donc le patron a dit. Il était ravi de ses acquisitions et il peut déjà même annoncer que M. Pokora sera le prochain invité de cette émission À l'état sauvage qui arrive bientôt sur AB3. Il n'y a pas encore de date de prévue de diffusion. Donc voilà, ça arrive très très bientôt, Kaufman. Bah, dis-moi un peu le nom de l'émission. À l'état sauvage. Ah, j'ai compris que c'est sauvage. Moi, non, à l'état sauvage, effectivement. Destination web, Kaufman, dans quelques minutes. Oui, on va vous parler d'une livraison. En drone, de quelque chose de très spécial. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le web. On est là chaque samedi, chaque dimanche, 7h, 10h. C'est que du fun sur Fun Radio. Merci de nous avoir rejoints. Et croyez-moi, vous n'allez pas être déçus. On a encore des cadeaux à vous filer. Mais avant cela, voici Sigala. Give me your love. I may be selfish, but I'll take your pain. When you get weak, I'll make you strong again. When all is lost, I will comfort you. Give me your love, I need it. Give me your heart, I'm bleeding. Give me your love, I need it. Oh yeah, oh yeah. Give me your love, I need it. Give me your heart, I'm bleeding. Give me your love, I need it. Oh yeah. Why don't you give me your love? Show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby. Here we go. Look, I'm betting you like people, and I'm betting you love freak mode, and I'm betting you like girls to give love to girls and stroke your little. We live in my genre. Who in the hell done paved the road wider? There's only one blow and one rider. I'm a damn shame. Order more champagne. Pull a damn hamstring. Tryna put it on ya. Let your lips spin back around. Come up. Slow it down, baby. Take a look. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby. Let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it. And we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow? Matinée sur Fun Radio avec le son d'Imani. Et destination le web avec Hoffman. Ah oui, chaque samedi, chaque dimanche 7h-10h, on s'envole pour le web, destination web, votre rendez-vous avec le 3W. Avec le 3W, c'est assez bien dit, hein, c'est très joli comme truc. Et nous allons parler de Alphabet, la maison mère du géant américain Google, qui a annoncé jeudi son intention d'essayer ce mois-ci de livrer des choses par drone. Par drone? Ouais. Ok, comme Amazon. Et ça va se passer dans une université en Virginie, ce qui vous donne déjà un indice. Qu'est-ce qu'on pourrait se faire livrer dans une unif en Virginie? Des cartables? Non, c'est de la nourriture. La nourriture? Ouais. On peut se faire livrer de la nourriture par drone? Ouais, ça sera des burritos. Ah mais carrément, c'est vrai? Ah ouais, bah ils ont bien choisi leur endroit. Et en fait, ça va vraiment être un service de livraison comme un autre, c'est-à-dire que vous allez passer commande, vous recevrez votre nourriture par un drone, et ils ont envie de tester ça avec de la nourriture. Pourquoi? Parce que c'est des conditions réelles, c'est-à-dire qu'ils savent qu'il va y avoir des pics de fréquentation pendant le midi, le soir, et que les drones vont être plus sollicités à ces moments-là. Donc c'était le produit idéal à transporter. En plus, il y a des impondérables parce qu'on peut pas transporter de la nourriture comme on transporte un jeu vidéo. Donc on bien doit sûr, être ouais. précautionneux ouais, avec ouais, la nourriture vrai. Pour pas que le burritos ne subisse les tracas du vol, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et moi j'ai décidé de piloter ces drones. Non, t'as déjà piloté un drone ou pas?

Donc, mais on se demande maintenant si la norme serait pas en train de basculer. Ah ouais? Puisque 14%, c'est le chiffre du jour. C'est le pourcentage de couples dans lequel la femme est la plus âgée. Les cougars, quoi. Non! Ah non, justement, il faut éviter ce terme-là. Puisque l'écart d'âge dont on parle est très faible. Ah. Il s'agit de 2 à 3 ans. Ah, ça va. Mais c'est la femme qui est plus âgée dans ces couples-là. Bon, il y a encore effectivement une grosse majorité de couples dans lesquels l'homme est le plus vieux, mais les écarts d'âge tendent à se réduire petit à petit. Et puis, à mon avis, dans très peu de temps, les femmes seront plus âgées que les hommes dans les couples. Et c'est pas pour me déplaire. T'es déjà sorti avec une cougar, toi? Bah, la cougar qui a 80 ans déjà pour toi. Je ne sors pas. Je ne sors pas avec des animaux, moi. Un cougar. Imagine que je serais tout griffé. Non, tu dois aller à la maison de repos pour trouver une cougar, c'est ça qui en fait ton âge. Bien sûr, bien sûr. Profite-en tant que t'es jeune. Vas-y, profite, c'est bien. Pour la suite, ça se passe avec le Fun Game, Kaufman. Ah, je suis pas au courant. Merde, il est plus là. Mais si, ça se passera avec le Fun Game, puisqu'on parlera des musiques de FIFA. Et FIFA 17 mettra la barre très haute. Voici Martin Solveig, Do It Right sur Fun Radio. Bonne matinée. Fun Radio. Bubbly, bubbly. Bubbly, bubbly. Set it! You see that girl with the big tic-tac, if you give me the, head to the floor, girl, give me the, bend over, girl, and give me the, spit down to the ground, seismic activity, spin round me, girl, and give me the, top wine, girl, and give me the, body look fine, girl, give me the, coming out, waste some time, girl, give me the, body look good, girl, be winning it, turn it up right, girl, you never be dimming it, take up your body, cause you're in your element, funny body, me take up a permanent residence, rotate your body, come in love, or you're spinning it, rotate your body, come in love, or you're spinning it, rotate your body, come in love, or you're spinning it, make the trumpets blow.

chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi, chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Je suis français, chez moi, chez moi. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Chez moi, chez moi. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop foncé. Chez moi, chez moi. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Chez moi, je vais l'enchaîner. Je suis français. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Juste l'inviter à danser, je vais l'ambiancer. Je suis noir, je suis beurre, je suis jaune, je suis blanc, je suis un être humain comme toi. Je suis chez moi, fier d'être français d'origine guinéenne, fier d'être le fils de Monsieur Diallo, éternellement insatisfait. À suivre. Le Sound and Floor continue, Justin Timberlake. Et là, le Fun Game. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le Fun Games, avec Kaufman de Smart Toys. On est bien, on est posé, on est au calme. Et voici la dernière info jeu vidéo de cette matinée. On va parler de FIFA 17, puisque la série des FIFA met en avant depuis bien longtemps des grandes sélections de musique. Que vous soyez dans les menus pour choisir vos équipes, ou vous soyez en plein match avant le match, c'est blindé de musique. Et pour le coup, FIFA 17 va jouer la carte de la diversité, la carte de la variété. Il y en aura absolument pour tous les goûts. Je vais vous donner quelques exemples. Pic Ploc. Vous avez Beck. Pic-ploc. Ça se dit encore maintenant, c'est en 2016, Pic-ploc. Je dirais comment Je sais pas, comme si, comme ça. Pic-ploc, ça. Mais non, Pic-ploc. Ouais, ouais, Pic-ploc. Ouais, bon, laisse tomber. Il y aura Beck, New Song. Il y aura les digitalismes avec Shangri-La, qu'on a joué ici. Empire of the Stone, High and Low. Et puis, il y aura Paul Kalkbrenner, le DJ producteur qu'on aime bien ici à Fun Radio, avec Let Me Hear You Scream. Ce qui veut dire en anglais Let Me Hear You Scream, donne-moi la crème. D'accord. Heureusement que t'es pas le responsable de la prog, hein, je me le dis souvent. Et c'est pas tout, il y aura encore les touristes avec Sun, Zed & Grey avec Adrénaline. Bref, il y en aura pour tous les goûts. Les jeux vidéo et la musique font de plus en plus bon ménage, puisque un bon jeu rime avec une bonne musique, avec une bonne bande-son qui te donne envie de jouer, envie de faire des dribbles, envie d'aller marquer droit au but. Comment ils font pour récupérer leur musique? Et s'ils payent des droits, c'est comment ça se passe? Ah oui, à l'occurrence, ils la volent pas. Non, mais je sais pas. Oui, oui, bien sûr, c'est un arrangement avec les maisons de disques, mais c'est du gagnant-gagnant parce que forcément, c'est multi-diffusé dans le bien jeu. Sûr. Et ça donne beaucoup de visibilité aux artistes. Donc, il y a des petits accords secrets qui se font. Est-ce qu'il y a des sons exclusifs à FIFA? On peut les trouver que sur FIFA. Non, il n'y a pas de nouveauté comme ça, toi, des sons que FIFA. Je crois que Soprano, il avait sorti un son pour FIFA à un moment donné. Il y a quelques années. Il y a ce qu'on appelle des commandes. Ah, ok, voilà. Pour faire parler du jeu. Par contre, cette fois-ci, la bande-son propose du neuf. Donc, bien sûr. Et du vieux. Du calme, du mouvement. Non, mais c'est bien. De l'international, du local, des découvertes musicales en tout genre. Ah, c'est parfait, ouais. Et donc, vous en retrouverez tout ça bientôt, puisque FIFA 17 sera disponible fin septembre, le 29 pour être précis. Ah, ok, ça arrive vite. Peut-être, peut-être, nous aurons des surprises FIFA 17 de taille à vous offrir. Non. On sait que du fun le week-end. Je peux encore rien dire. Le projet est encore en cours d'analyse. Ok, d'accord. Mais si on a ce qu'on veut, croyez-moi, vous allez sauter au plafond. Très bien. Pour la suite ça de l'émission. Ça se dit encore ça Oui, ça se dit encore. D'accord. C'est bon, j'ai validé. Année 2016 validée. Pour la suite de l'émission, ça se passe avec le Blackjack. Pour vous inscrire, vous envoyez jeu au 30-44. C'est l'inscription. Donc vous envoyez jeu au 30-44, 50 centimes par message pour l'inscription. Et je prends un joueur juste après, Justin Timberlake sur Fun Radio. Proximus présente le plus impatient des réseaux. Oui, bonjour, je suis bien aux urgences? Oui, je vous écoute. Alors, j'aimerais qu'on m'emmène d'urgence dans un Proximus Center. Et j'ai vu un Huawei P9 Lite pour 9 euros. Vous êtes aux urgences ici, madame? Mais justement, c'est une urgence. Foncez dans votre Proximus Center et recevez un Huawei P9 Lite pour seulement 9 euros. Avec un abonnement Smart Plus Phone 20. Infos et conditions dans votre Proximus Center. Proximus, infiniment proche.

Dans quelques secondes, c'est Alex Germis qui débarque sur Fun Radio. Et là, c'est le moment de jouer au jeu du Blackjack avec Audrey qui est avec nous. Salut Audrey. Bonjour. Salut Audrey. Ça va bien Audrey? Ça va et toi? Oui, ça va impeccable. Il y a Kaufman aussi hein, qui est là. Ouais. Oui, bonjour. Tu nous appelles d'où Audrey? Je suis à Marensart. À Marensart. C'est pas trop où aller quand même, t'as vu? À Marensart. Oui, parce que j'ai pas l'habitude de venir par ici. Est-ce que tout va bien à Marensart? Oui, très bien. Tu y fais quoi de beau à Marensart? Il y a une brocante en fait. Ah, la brocante. Tu aimes les vieux trucs? T'aimes Kaufman? Oui, oui, oui. Bah d'accord, je suis là disponible, mais je suis invendable par contre, ça c'est sûr. Bon, tu nous appelles pour jouer au Blackjack, tu connais les règles. Notre ami David va tirer des cartes et si tu atterris entre 18 et 21, c'est gagné. Si c'est 21 tout pile, et bien là tu repars avec un jeu vidéo, en l'occurrence Attaque des Titans, qui est inspiré directement de l'anime du manga. Est-ce que tu es prête Audrey? Oui. Eh bien c'est parti. Allez, c'est parti. Première carte Audrey que je dévoile. C'est un 6, Audrey. On continue? Oui, on continue. Très bien. Deuxième carte, c'est un 3. 6 plus 3. 9. 9. On continue? On continue. Ok. Troisième carte, c'est un 2. Ça nous fait 11. Ah, fait 11. C'est bien embarqué pour faire Blackjack, ça. Ça nous fait 11, ça, Audrey. Qu'est-ce qu'on fait? On continue. Ah, on continue. Bah oui, on continue. Bah ouais, elle a pas le choix en même temps. T'es con qu'on continue. Allez, quatrième carte. C'est un 7. 18. 18. Donc là, c'est gagné. C'est des goodies pour l'instant. Ouais. Que tu as gagné. Est-ce que tu tentes le 21 pour gagner le jeu vidéo, Audrey? Non, je vais m'arrêter là. Oh, tu t'arrêtes là, Audrey? Ouais, non, on peut pas avoir de la chance tout le temps. Mais si, il faut croire en sa bonne étoile. Alors, Audrey, qu'est-ce que tu fais? Tu tentes ou tu tentes pas? Suspense. Je sais pas, j'hésite. Allez, vas-y, lance-toi. En plus, il fait beau, tu vas bien travailler ta brocante. Encore une, encore une. Allez, Kaufman, il a retourné le cerveau. Carrément. Allez, une carte, ça va être la dernière, forcément. Attention. Et c'est un 10. Ça nous fait. Oh, ça fait 28. Mais qu'est-ce que t'as foutu, Audrey? Je t'avais dit de t'arrêter. Oui, mais voilà pourquoi je vais m'arrêter. Mais moi aussi, je vais m'arrêter. Je suis désolé, Audrey, mais Kaufman, t'as mis droit.